la la la la la la la la la. Écoutez, petits jeunes gens et les vieilles gens, si vous entendrez une chansonnette composée nouvellement, le vaisseau de jeunes gens qui s'aimaient fidèlement, ils étaient contents de mourir l'un pour l'autre. Les voilà partis, tous deux, pour servir le roi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La plus belle des frégates sur la rade c'était la leur. Ils l'ont appelée par l'ordre de la division des vaisseaux. La frégate dans la rade, elle est prête à partir. Elle ne fait qu'attendre devant, elle lâchera les amarres. Elle attend le capitaine pour passer la revue. Quand il a passé revue, fait aussi l'appel. Il a trouvé qu'il manquait 15 parmi ses matelots. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'équipage disait, ceux-là sont malins, ils resteront à la maison, ne sont pas sûrs de revenir. Le 15e jour du mois, s'en va la frégate. Le 16e jour du mois, combat contre l'anglais. Dur le cœur qui n'eût pleuré, les yeux qui n'eût su des larmes, en voyant les cadres chavirer des deux côtés, en voyant les pauvres matelots risquant de perdre leur vie. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. L'anglais crie à la nation, amène ton pavillon, j'aime mieux aller au fond ou être tué par lui. Entre nous prisonniers, dans les prisons d'Angleterre, il y a 5 ans à passer de toute façon. 5 années de misère, la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 12 livres de bœuf salé ou de pain pour y peser, pour quiconque a le scorbut, manger des biscuits durs. Quand nous avons fini de tuer nos punaises et nos puces, il est bien 11 heures sonnées, il est temps. Il est temps d'aller dîner. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On a chanté l'Ave Maria Stella, le Veni Creator, le Veni Creator. Et le vent s'était calmé. Et la mer, et la mer, et la mer, et la mer, et la mer s'était embellie.